peux être une star dans ton quartier dans le monde. Tu peux finir comme Ronaldinho. Je connais des gens, ils sont chargés comme les frères Diaz. Adios, buenos dias, je fais des liasses sans faire le mia. Tout pour Madre Mia, nique sa mère le biatch. Tu pourrais me croiser dans une Kia ou une Clio. Hein? Je dis bonjour aux clients dans la vie. Faut faire des concessions, faut faire gaffe à qui tu testes. Tu peux finir à la conception. Est-ce que je vais arrêter le rap? Ça c'est une bonne question. C'est bien de faire entrer les sous, mais il te faut une bonne gestion. Loin de nous, loin de vous, loin des putes, loin des fous. Je les aimais mais leurs défauts c'est qu'ils avaient une fin de loup. Je fais des ronds, quand je lève en 50, je peux faire le rond-point. Tu peux me croiser, en train de faire le signe, tranquille vers Saint-Ouen. J'ai mis moula dans le kit cash, des G-cass. Les vrais skis même pas qui se cassent. Y'a les temps qui se gâtent, je le reconnais plus vraiment c'est qui ce gars. Qui se la raconte, je réalise pas, ça fait bizarre ouais. Comme voir deux traites qui se capent. J'en ai entendu moi, des vertes et des pas mûrs. Ça fait plaisir quand t'entends Cantol, ton pote tira ce palmure. Ton autre pote, il s'est barré sous le palmier. Hein? C'est compliqué la vie, faut même penser à la mort. J'oublie mes soucis dans le merco, mon cerveau je le bousille à coups de popo dans le ghetto. Pour des stupes ou des putes, ça sort les métaux. Dans la zone, ça sent le roussi, calé, je finis bientôt. Tu veux percer, écris des textes, kick. Je suis souvent dans ma bulle, j'ai pas la technique. J'ai trop squatté le bloc, j'entends les clics, clics, les bang bang, les règlements de compte à l'heure du pique-nique. Je viens de là où les gens n'ont pas de cœur, ils te font de sang froid. Là où tu peux tout perdre et finir sans toi. Arrête de boire, on te l'a dit plus de 100 fois. T'étais, tu t'écoutes personne, avec le temps tu changeras. On connaît tous les fils, on fabrique les manèges. Les clics, ça manque à temps de volcano à neige. H24 au charbon, si tu trahis, tu crèves. Le roi n'a pas la fève, ici le valet fait tapiner la reine. La nouvelle Cendrillon se tue au ballon. Si t'as des contacts, j'ai le bras long. J'suis resté droit, j'peux pas demander pardon. Mon cœur est noir comme les yeux de mon piton. J'suis dans le bloc chargé comme Sacha. J'appelle Mino en FaceTime sur Snapchat. Les CRS à l'entrée font des barrages. J'ai caché triple filtré dans le garage. J'oublie mes soucis dans le merco. Mon cerveau je le bousille à coups de popo dans le ghetto. Pour des stupes ou des putes ça sort les métaux. Dans la zone ça sent le roussi. Quand les j'pitis bientôt. C'est un truc de malade.